les anarchistes. Là, on est à côté de Notre-Dame-des-Landes, on est donc à une trentaine de kilomètres au nord de Nantes. On est donc sur un terrain où Vinci a décidé de nous faire un joli aéroport. Dès l'entrée, on tombe tout de suite sur la tente accueil, qui a un dôme. C'est aussi les premiers panneaux qu'on va trouver qui vont indiquer le fonctionnement du camp, avec qu'est-ce que la ZAD, donc la zone d'occupation, la zone à défendre, excusez-moi. Il y a encore un panneau d'affichage. Sur Vinci. Vinci sévit partout dans le monde, cible d'action dans la région. On est sur le terrain de camping du camp où devrait être construit, ou sera peut-être construit un aéroport international pour la ville de Nantes et pour l'Ouest et pour la Bretagne. Et donc là, on est sur un terrain où y a des gens qui protestent depuis pas mal d'années contre l'implantation de cet aéroport. Qui est une hérésie et d'une inutilité terrible. C'est l'été, donc du coup, il y a un camp qui a été organisé. Il y avait des gens qui habitaient déjà, de toute façon, sur le terrain, des agriculteurs, des personnes en maison, etc. Mais de manière générale, il y a des gens qui vivent à l'année, qui sont installés pour résister justement à l'occupation. Aux premiers travaux qui commencent en fait pour la construction de l'aéroport, pour l'instant, c'est juste des forages et des choses comme ça, mais petit à petit aussi des expulsions, voilà. Donc dans cette zone, c'est la zone d'AG, et donc on a défini quatre grosses commissions, qui est la première commission, c'est politique et automédia, donc c'est au niveau du site internet, le journal, la communication avec l'extérieur. La commission logistique, comme je disais, on n'a pas d'eau et pas d'électricité, donc déjà c'est trouver de l'eau, c'est s'assurer que les branchements électriques marchent bien et qu'on arrive à produire de l'électricité. C'est aussi les structures, les déchets, la récupération, la gestion des stocks de nourriture et autres, l'approvisionnement, etc. Il y a une commission action qui va organiser les actions vers l'extérieur, qui va aussi essayer de travailler sur une installation à long terme sur la ZAD. On y retrouve aussi la Legal Team, qui est notre équipe juridique. Vélorussion, je te rattrape, Vélorussion, elle rattrape toujours les capitalistes. Vélorussion, Vélorussion. On trouve aussi la Medical Team, parce qu'en qu'il y a de la bobologie, on peut avoir mal au crâne un matin, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu pour nous aider à aller mieux. Mais ça peut être suite à une mauvaise rencontre avec des CRS et prendre quelques coups de matraque, tel que il s'est passé pendant la Vélorussion. La police a arrêté les vélos en leur tapant dessus, donc ça s'est relativement bien fini, mais il y aurait pu y avoir des chutes dangereuses, des grosses chutes. Et donc là, on aurait très vite compris l'utilité du Medical Team. Il y a Johan qui dit que si on veut venir ramasser soit des haricots verts, soit des pommes de terre, on peut y aller, et que si on les ramasse, il nous les offre. Ouais. Dans ce village, aujourd'hui, il y a à peu près une centaine d'habitants. Il y en avait un peu plus la semaine dernière. Et donc, moi, je fais la cuisine avec plein d'autres gens. Donc, je m'occupe que des approvisionnements et puis du fait que la nourriture soit prête à une heure décente pour déjeuner et dîner le soir. Ouais. Marinade de concombre. Avec des pâtes. Hein. Et des aubergines. Moi, ça fait quelques années que je vais sur des événements qui pratiquent l'autogestion. Et en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect déjà qu'on vit dans un système capitaliste aujourd'hui où le système, pour survivre, est obligé de convaincre tous les gens qui sont dans le système qu'il n'y a que ce système-là qui est bon et qui existe. Que c'est peut-être pas le meilleur, mais que c'est le moins pire et qu'il ne faut pas se demander si ça pourrait fonctionner autrement. Qu'est-ce que t'en penses ? En fait, ce qui est intéressant dans ce village, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venue, c'est que On voit qu'il peut se passer plein de choses quand il n'y a pas de chef. Il y a une organisation qui se crée d'elle-même par la bonne volonté, par l'énergie, par les savoir-faire que les gens ont. Et puis, une cuisine autogérée, c'est un référent. Et puis, c'est 6-7 personnes qui aident à participer pour chaque repas et qui arrivent à nourrir 200, 300, peut-être même 400 personnes. Tu veux quelque chose ? Ça mijote. Et c'est pas Knorr qui nous mijote quelque chose, hein. À quelle heure il faut que ce soit prêt ? À manger ? Mmh. Ah, c'est bien si... 13-14h, c'est prêt. Il est quelle heure ? Mmh. Elle fait pas ta cure à quelle heure ? Ah, il faut un quart d'heure. On mange ! Je suis dans mes huiles. Hein ? Chili ? Ah, non, j'aime pas ce truc-là. Mmh. Montez à la caisse prix libre. Et à côté de la tente Matos, il y a un lieu qui est vachement important pour la vie ici, c'est le bar à mine, hein, qui n'est juste que le bar autogéré du camp, où le soir il est ouvert et tenu par des barmanes qui sont des gens du camp. Et pareil, le bar est en prix libre et on peut y retrouver un peu de bière, du vin rouge, du rosé et passer un moment de convivialité le soir quand on a envie de se détendre. Ah, Paris, c'est bon, les maquisards sont dans les gares à Notre-Dame, on se range là. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris. Les villages sont toujours en prix libre. C'est pas gratuit, c'est que chacun peut donner suivant ses moyens dans toutes les caisses du village. Donc il y a partout, on peut retrouver des caisses, au bar, à l'entrée, à la cuisine. Et cet argent permet de faire tourner le lieu sans qu'on ait des préfixes et des gens qui puissent se sentir exclus parce qu'ils n'ont pas les moyens de venir. Alors le déjeuner, généralement, c'est aux alentours de 2 euros. C'est le prix conseillé, c'est 2 euros. Moi, je suis le responsable du chantier de la société Assias. Au niveau de la sécurité. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça, ce comportement... Vous devant toutes les maisons. Voilà. Là, le site, là, vous le visitez tous les corners. C'est tout. Vous visitez tous les 24 heures. Deux jours comme de nuit. Vous avez 3-8 ? Ben, c'est deux jours comme de nuit. Ouais. Écoutez-moi, monsieur. Je suis pas là pour créer des polémiques. La dernière fois que vous avez visité ce site, c'est sans... Il est visité deux on jours. On donne, c'est du donnant-donnant. Mais non. Écoute. Je pense que ce serait pas mal de laisser parler. Alors que tu te taises et tu le laisses parler. Ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup. Alors moi, je m'appelle Toff. Il y en a qui me reconnaîtront. Le premier but principal, c'est de faire comprendre aux gens qu'on est libre. Et que la démocratie, c'est une obligation. C'est pas l'aboutissement de gens qui décident pour nous. Il y a plusieurs projets qui nous ont menés, dont l'aéroport, enfin, c'est-à-dire contre l'aéroport plutôt. Et c'était ma motivation principale. Parce que ça fait quand même déjà pas mal d'années que je me bats pour ça. Et la deuxième condition qu'on a eue, c'était de valoriser un endroit en essayant de faire voir qu'on peut le construire sans aide extérieure. Alors nous, on a fait un point sur une AG par rapport au concert, parce qu'on a quand même pas mal de petits soucis. Et puis de personnes un peu, on va dire, qui n'avaient pas tout à fait compris le but du concert et l'action qu'on pouvait avoir par rapport au concert. Et malheureusement... le côté négatif a poursuivi dans les 15 jours avec les problèmes du village en lui-même. Et cet après-midi, déjà hier soir, on a eu une super soirée avec Jean-Claude. Du coup, l'AG a fait carrément ressorti que voilà, les gens ils étaient carrément plus cool, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de débordement. C'était super, c'était, ça se parlait, c'était une famille. Voilà. Donc il y a des enfants, mais oui. Les altermondialistes se reproduisent. Il y a tout pour que les enfants puissent s'exprimer et puissent se retrouver un peu isolés des adultes qui sont parfois ennuyeux à parler politique. Papa, tu veux un avion ? Tu veux un avion, papa ? C'est un avion qui vole, c'est un avion volant. Ça s'appelle un ULM. Ouais. Un petit mini avion. C'est pas forcément pour nous qu'on lutte, c'est aussi pour les générations à venir. Et qu'on peut, hein, que si c'est lutter pour les abandonner d'un autre côté, ça sert à rien. Il y en a qui diraient que les militants sont des gens sales, mais non, le militant est équipé de douches. Ah oui, il y a un petit panneau là qui dit « Parce que l'anarchie, pas dans l'eau, pensez à vider les toilettes. Vive l'autogestion. » On doit s'énerver ici, on doit sortir de cette bulle village autogéré. Parce qu'on est vénère de toutes les misères qu'ils nous font. Ils te tiennent parce que tu possèdes. Voilà, tout simplement. Il faut y aller par la fraude, le vol, le pillage, le sabotage. Et plus on est de fous, plus on rit. Dans cette société qui est une prison, la bonne logique, c'est de raser la prison. Là, il se passe un certain nombre de choses sur le camp, manière de produire l'électricité, manière de gérer les sanitaires, manière de gérer la bouffe. Et ben voilà, il y a aussi des gens qui vont repartir avec ça chez eux et qui vont se dire « bah tiens, moi je vais faire une cantine comme ça, autogérée, avec d'autres potes, où on pourrait tous venir bouffer ensemble ». Parce que ce qui est intéressant aussi dans un camp comme ça, c'est qu'on est quand même dans une société où on est individualisé, chacun enfermé dans nos boulots, dans notre appart, devant notre télé, séparés. Et là, c'est aussi revivre du collectif. Quelque chose qui manque, et qui manque largement dans notre société. Quoi. Bon, on le voit d'ailleurs quand il y a des grands rassemblements type festival qui marchent super bien depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Du coup, tous ces espaces un peu artificiels qui peuvent être créés, c'est un besoin de gens qui sont séparés. Et donc ce camp-là, moi je trouve qu'il est intéressant justement dans la mesure où il recrée du collectif, où il recrée du vivre ensemble, où il recrée justement de faire attention, quoi, parce que là, par exemple, le soir, il y a des gens qui font la fête, il y en a qui veulent se coucher plus tôt, il y en a, tu crées des espaces, et je pense qu'il y a... Il y a peut-être 200 personnes sur le camp, et ça se passe très bien, et la liberté des uns permet d'étendre la mienne. Et donc du coup, de plus vivre l'autre comme quelqu'un qui t'empêche de faire ce que tu veux, du musique d'un ton d'un bar, des machins comme ça, mais au contraire de dire, il y a des gens qui ont envie de faire ci, il y a des gens qui ont envie de faire ça, il y en a d'autres qui vont vouloir faire une autre activité, comment on s'organise ensemble pour faire tout ça. Ça a été très très très très très compliqué à mettre en place. Mais au jour d'aujourd'hui, je trouve que 3 semaines après, au départ, j'étais assez négatif. Franchement, aujourd'hui, on est vraiment dans un mode village. Et l'anarchie vaincra. On vient avec un journaliste de France Culture. On doit normalement... moi, je voudrais bien qu'on discute de comment ça va se passer aujourd'hui avant d'avoir le micro et tout ça. Ça te va, non? Ouais, très bien. Il y aurait moyen qu'on coupe le son 2 secondes? Oui. Excuse-moi, mais ça me gêne vraiment ton micro. Elle vient d'où cette méfiance, puisqu'on en parlait un peu, automédiatisation, parce qu'il y a une méfiance, des médias. Ah, c'est pas de la méfiance, c'est de la lucidité. C'est-à-dire que souvent, on nous présente des antidémocrates, des gens ignobles, etc. Je veux reparler de la presse locale qui... aime bien se dire que les militants qui sont ici sont des militants étrangers qui présentent ça comme ça. Alors que ces gens-là, qui viennent de partout avec des luttes, avec des modes d'action des fois inconnus en France, qui apportent beaucoup de choses et beaucoup de savoir-faire, et les présenter, la presse essaie de les présenter comme étrangers qui n'auraient rien à faire ici, parce que l'aéroport, il n'est pas chez eux, et ben. Ça fait beaucoup de la richesse, en fait, de ce qui se passe ici. Elle détourne son message pour mieux convaincre la population qu'encore une fois, c'est l'État qui a raison, ce sont les banques qui ont raison, etc. On a une presse qui est clairement collabo, qui est du côté de Vinci, du côté de l'État, qui ment, qui ne parle jamais de la répression policière, qui définit des actions comme violentes ou non violentes, mais de manière vraiment absurde, arbitraire et en n'importe quoi, genre se percher sur les arbres, c'est violent, par exemple. Moi, j'ai entendu, j'ai lu ça dans la presse, vous voyez. Faut quand même réaliser la place, la fonction qu'a l'industrie de l'information dans le système actuel. Vous servez, collectivement, pas toi en tant qu'individu, mais vous, les journalistes, vous servez à légitimer le pouvoir, à avaliser sa manière de voir les choses, sa manière de concevoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, que ce soit dans votre présentation des faits, etc. Par exemple, j'ai jamais vu un reportage positif sur une action émeutière. Et du coup, c'est pas vous en tant qu'individu, c'est votre fonction dans le système qui fait que vous êtes là pour légitimer le discours dominant ou pour borner l'horizon des possibles. Je pense qu'il faut que votre profession elle prenne conscience de son rôle et que moi j'ai hâte de voir une vraie grève de journalistes massive, pas juste pour défendre les postes comme il y a eu à RFI ou quoi, mais un truc de voilà, on se prend en main, vous aussi vous pouvez autogérer vos moyens de production quoi. Genre demain, là, vous, France Culture, voilà, tu fais un piquet de blocage devant France Culture, tu fais une assemblée générale, vous décidez que vous avez plus besoin d'un président pour choisir la grille de programme, qu'une émission, c'est pas forcément une heure, ça peut être quatre, que tout ça, et bah vous le faites, et ça se fait, et voilà. Et ça, on le voit pas. Il y a plus de journalisme critique, ou très peu en France. Et du coup, on a plus d'interlocuteurs dans votre classe. Je sais que... Les journalistes se sentent souvent remis en cause personnellement à chaque fois qu'on leur dit ça, c'est vraiment « mais non, mais moi je sais pas, à un moment il faut voir la réalité en face. Vos rêves d'enfant d'être Albert Londres, c'est pas possible là, dans le système actuel du journalisme. Parce que vous êtes non seulement tenu par la relation salariée dans laquelle vous êtes, mais en plus vous êtes tenu par le fait, effectivement, comme disait si bien l'ami, que les moyens de production, ils appartiennent à ceux-là même qui vous empêche d'être Albert Londres. Donc du coup, vous pouvez pas, c'est fini, vous pouvez pas écrire J'accuse et tout, c'est terminé ça. Donc si vous pouvez le faire dans un fanzine que vous publiez vous-même et que vous diffusez à la main, vous pouvez le faire dans une radio libre, une radio pirate que vous créez, là vous pourrez le faire ça. Mais dans un grand média, c'est fini. Donnez-moi un seul exemple de journal à grand tirage ou d'émission de radio, peut-être elle est sur France Inter, il y en a peut-être une, mais d'émission radio ou télé à grand tirage, qui remet en cause la démocratie représentative et le capitalisme. J'en vois pas. C'est le consensus invisible parce que vous êtes tous d'accord là-dessus. Puisqu'on submerge de son et d'image, qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages. Escalier que gentiment on nous héberge, mais qu'on a fait de nos paliers de vrais coups de forge. Tu mets sur tes gardes chaque fois que t'abordes ce que l'on désigne quand le débat déborde. Comme des hordes barbares en afro ou à barbe. C'est ce que dit Noam Chomsky dans La création du consentement, où avant d'aller faire la guerre, tu mets toute la population de ton côté, et donc déjà c'est beaucoup plus facile, tu as moins d'opposition chez toi. Et dans la formation des journalistes aussi, l'idée c'est que on pourrait se dire que les journalistes c'est les plus endoctrinés de tous en fait, qui vont continuer à endoctriner en cascade comme ça. Et donc c'est pas gagné quoi. En fait, il y a une vraie diversité dans le mouvement et pour moi c'est vrai qu'il y a des tendances qui sont différentes entre que ce soit les exploitants agricoles qui sont réunis en association, que ce soit les associations de citoyens qui habitent du coin, les habitants qui résistent, etc. Ou que ce soit des gens qui sont venus ici dans la perspective de l'occupation. Il y a une grande diversité. Et ils essaient d'exploiter ça pour nous diviser. C'est-à-dire, ils vont dire, il y a d'un côté les ultras et l'opposant lambda. L'opposant lambda, c'est celui qui signe une pétition. L'ultra, c'est celui qui va occuper un aéroport. Voilà. Grosso modo, c'est ça le message clair de la presse. Et comme toujours, l'industrie du divertissement, qui devrait être une industrie de l'information, mais qui est une industrie du divertissement, en fait, nous stigmatise, nous pointe du doigt. Et si vous voulez, alors que nous en fait on est là pour le faire ce pont, parce que justement vu que ces recours on sait qu'ils échoueront, qu'ils ont échoué ou qu'ils vont échouer, et on se dit que là il y a cette brèche où pour l'instant effectivement peut-être qu'à la première expulsion de sans droit ni titre, les populations locales ne seront pas forcément trop touchées pour certains. Mais quand ce sera la première ferme du local qu'on viendra détruire à coup de bulldozer, là, ce ne sera plus la même quand le bulldozer sera en face de la maison. Et là, si on a fait ce travail en amont de porter nos thèses dans ce mouvement, de discuter avec les gens, d'échanger, d'avoir des pratiques communes, eh bien là, à ce moment-là, la convergence, elle peut se faire. Mais du coup, ouais, moi, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce lien, il se fasse avec la population locale. Mais vu qu'il y a d'un côté... la presse qui nous montre du doigt, la répression qui, du coup, ça, eux aussi, ils les voient, les voitures de gendarmes, tous les jours dans leur zone et tout, donc forcément, tout ça, ça fait qu'ils essaient d'empêcher cette convergence, et des fois, ça marche. Vous avez des habitants hein, qui pensent que voilà, on est les derniers des gens dangereux ou des gens sales, etc. Et à l'inverse, d'autres qui sont contents qu'on soit là et d'autres qui n'ont pas encore conscience de pourquoi on est là et de à quoi on sert, mais qui vont l'avoir confiance au fil de l'avancée des travaux, en fait, je pense. Ici, on est face à face avec une presse à la fois collabo et de l'autre côté aussi à un adversaire comme Vinci ou conseiller général qui toujours prend l'argument de la démocratie et du processus démocratique qui, je pense, moi, est vraiment la chose que la presse essaie de légitimer, en fin de compte, que tout est démocratique, que tout le monde a un peu droit à la parole, que tout est concerté, qu'il y a des réunions publiques, des concertations publiques, les enquêtes parcellaires comme il y avait, que le processus démocratique marche à son plein et que dès qu'il y a autre chose, parce qu'ici, du coup, on ne croit plus à la presse et on ne croit plus à leur démocratie, et ben on a besoin de créer nos propres outils à côté pour avoir notre propre discours. Après, moi, la question que ça me pose, notre attitude vis-à-vis de la presse, que je trouve légitime, c'est comment gagner en visibilité. Donc, comment faire cette visibilité ? Bah, d'abord, peut-être en visant plus petit, en se disant, voilà, bah, moi, je suis allé dans cette petite zone qui est autour, là, on va faire un peu comme le Lesbéton, qui est un journal qui est diffusé en boîte aux lettres, qui est écrit par des gens, les occupants de la ZAD. Ça, voilà, ça, c'est une démarche qui me parle plus. Je trouve que c'est assez similaire comparé aux outils de production. Enfin voilà quoi, là on a piqué au peuple ces outils de production, de communication. C'est toujours les mêmes, voilà, Bolloré, Bouygues, etc., qui ont les moyens de. Enfin, qui ont la propriété de ces moyens de production. Et voilà, et nous. Et nous, du coup, c'est à nous d'en refaire d'autres. Nous, on peut faire un journal, on peut faire une émission radio. Il suffit juste qu'on se donne les moyens de le faire et qu'on le fasse comme on l'a déjà fait d'ailleurs par le passé et comme on va le refaire ensuite. Faire nous-mêmes nos médias pour que notre parole ne soit pas ou déformée ou en tout cas une partie occultée par des médias qui n'auraient pas la même envie de faire passer certaines idées ou voilà. Et du coup, l'idée de l'automédia, ça fait partie de l'autonomie. On doit avoir le contrôle sur la manière dont on se représente et dont on parle au monde. Et si ça passe à chaque fois par un prisme où il y a une somme de contraintes quantitatives, vous avez une émission à 22 minutes, un format, des contraintes techniques, etc., que nous, on peut ne pas avoir. Nous, on peut le lendemain d'une action faire 3 heures d'interview avec des gens et le diffuser comme ça en brut, on s'en fout. Il y a déjà un site internet, le but c'est, et un journal, mais qui est distribué plutôt localement. Et le but, c'est de encore plus faire connaître ce qui se passe ici. Et de permettre à tout le monde de participer à cette équipe-là aussi. Que les médias soient pas faits que par les mêmes personnes, que ce soit pas une spécialisation, mais aussi de faire de la formation par rapport à ces outils. Moi, je suis subjectif, je donne mon opinion, mon avis. Et quand j'écris, j'écris pas au nom d'un autre ou pour un autre ou à la place d'un autre. Et un éditorialiste, c'est ça son travail, c'est d'écrire au nom de la France. Oh, les Français pensent ci, oh, les Français pensent ça. C'est que ça tout le temps. Et ouais, bah assumons notre subjectivité parce qu'il n'y a pas plus objectif que notre subjectivité radicale à nous qui sommes dans l'action, qui sommes dans la lutte, ou la subjectivité radicale de quelqu'un d'autre qui fait autre chose. Et ça, c'est un aspect fondamental de la lutte, en fait. La critique des médias et la lutte contre l'industrie de l'information, l'industrie culturelle. Et ouais, Finkielkraut, c'est de la merde, et France Culture, c'est bien, mais... mais n'empêche que vous participez à plein de trucs pourris. Non, c'est vrai. Vas-y, on peut faire une petite phrase sur Finky que tu mettras dedans. Allez. Il faut la rattacher. Vas-y, comment on pourrait mettre Finky dans cette histoire ? Non, on peut, je le cite.

à pas laisser le pouvoir à une minorité de personnes dont les intérêts sont pas les nôtres, et d'essayer de partager ou voilà, de prendre des décisions ensemble et de respecter chaque personne qui fait partie de, bah du territoire où on est. Et on pourrait peut-être essayer de réfléchir à comment envisager un autre mode de vie avec moins d'énergie, moins de déplacements. L'idée, c'est que quand même globalement, il n'y ait pas trop de chefs. Tout le monde s'active sans que personne dise tiens, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça se fait naturellement. Enfin, on sait que voilà, on a des projets de construction, de potager, etc. Et après, on fait des réunions ciblées sur chacun de ces projets, et les gens se joignent et chacun apporte ce qu'il a à dire par rapport à la conception. Et après, la mise en œuvre, voilà, elle se fait. C'est pas toujours formel en fait. C'est aussi prendre l'initiative d'aller aider, de participer à des choses comme ça. L'idée, c'est qu'on arrive quand même collectivement à se mettre d'accord et à ce qu'il n'y ait pas des gens qui soient à l'esclave des autres. Globalement, on y arrive plutôt bien. Et on n'essaye pas de faire des représentants, il n'y a pas de vote à main levée ou quoi que ce soit. Donc ça prend beaucoup de temps et tous les modes d'organisation sont en réflexion constante et changeante. Et oui, on n'est pas toujours tous d'accord, mais on essaie de faire quelque chose ensemble. C'est vraiment une question de démocratie à la base, en fait. Et puis de repenser ce système-là. Vu qu'on prend, on essaie de prendre nos décisions au consensus, et que ce soit pas la majorité qui décide pour tous, je pense que si dans le dire, des fois, on n'est pas d'accord, si on a des questions de position sur les moyens d'action à utiliser, jusqu'où aller, etc., on peut avoir des débats. En revanche, dans le faire, je pense qu'on constitue une communauté pratique de solidarité. On essaie de créer des nouvelles choses aussi, il y a beaucoup de travail d'imagination, de créer des choses qui sont pas forcément habituelles, et du coup ça éveille des questionnements, c'est des curiosités. Ouais, ce souci de création, il est continu, mais pour l'instant c'est plutôt les apports individuels de chacun qui sont expérimentés après collectivement. C'est plutôt la phase dans laquelle on est pour l'instant. Et je pense que c'est la première étape nécessaire avant de voir tout ce qui marche, tous les problèmes et tout ce qui est amélioré. Franchement, réappropriation des terres, collectivisation des terres, acquisition des logements vides, on n'a pas inventé l'eau chaude, quoi. Non. Et en même temps, ça paraît fou aux gens. On redécouvre les fondamentaux. Il y a le fait de subvenir à ses propres besoins directement, sans passer par le marché. Il y a le fait de s'organiser en dehors d'organisations qui nous oppressent. Bah moi, ça me plaît pas mal d'être moins dépendant des entreprises. Ouais, l'idée, c'est de vivre, de se former, de se faire plaisir. Là déjà, on a tous fait des ateliers où on connaît les gestes de base, si quelqu'un tombe par terre ou quoi, les gestes de base de survie, position latérale de sécurité et tout, être en mesure de... Mais c'est un truc sur lequel... pour moi, c'est un truc super important dans l'autonomie sur lequel il faut qu'on travaille. Ça et l'école aussi, avoir une école sur la ZAD. Bah, je reviens sur ça, mais c'est une certaine autonomie, acquérir des savoir-faire pour... peut-être après cette aventure, pouvoir continuer sur d'autres lieux avec plus de savoir-faire pour être plus indépendant par rapport au marché. Je pense que un intérêt du lieu comme ça, c'est aussi de montrer que aux gens, etc., créer du débat en fait pour montrer que c'est possible avec peu d'investissement et avec une bonne dynamique collective de créer quelque chose de concret, qu'en fait c'est pas si dur que ça. Et donc du coup l'autonomie, ça se décrète pas. C'est pas quelque chose genre ouais salut, on est autonome. Non, on essaie d'y parvenir petit à petit, de le développer. Et ça a autant de sens de le développer par rapport à nos besoins que de le développer comme un discours par rapport à l'État, de dire ça y est, on est autonome, on n'a plus besoin de vous. Et les deux, ça va pas l'un sans l'autre. Si on n'est pas foutu, il y a plein de trucs qui nous relient encore au monde. le pétrole, nos addictions aussi, le tabac, l'alcool, c'est pas des choses qu'on produit pour l'instant, qui nous relient encore à ce monde-là et qui nous relient encore à l'argent et à tout ça. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on a encore à travailler, à progresser pour qu'autonome soit pas juste une posture, mais vraiment une réalité. Même si je pense qu'on est quand même pas mal autonome. C'est un bon début. L'alerte rouge est un groupe de terrain. C'est pour les sans papes, les sans toi et ceux qui vivent à 8 dans un T1. En manif, près des drapeaux bicolores. Plutôt orienté squat que lieu que le public honore. Mettre mon biconorme, bah ouais, t'as raison. Après la révolution, quand le monde sera beau comme dans tes chansons. MC révolutionnaire, autogestionnaire, anarchiste et vénère pour répondre à ton questionnaire. Sur comment s'organiser entre nous, les questions que je me pose, c'est comment pas reproduire ce qu'il y a dehors, parce que on a tous dans notre tête un flic, un instituteur, un maître, un machiste, etc. Comment aussi, quand on n'a plus de travail imposé, de temps de travail défini dans la journée, quand est-ce qu'on s'arrête? Parce qu'il y a des moments où on est là, on fait des trucs, mais il n'y a personne pour nous le dire. Puis du coup, on n'a plus ces temps segmentés là en loisir-travail. Du coup, on ne sait plus quand est-ce qu'on fait du loisir, quand est-ce qu'on fait du travail. Et c'est un côté exaltant et ça peut avoir un côté épuisant si on est trop à fond. Il y a ce truc aussi du rapport à l'autre qui est compliqué, comme tu disais là. C'est se poser en avant-garde ou pas se poser en avant-garde. Là. Moi, je n'aime pas me poser en avant-garde et d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait. Alors là, bah, nous, on a lâché tout ça, on a cédé vis-à-vis de tout ça. Donc maintenant, faut que les autres fassent pareil ou quoi, de ce côté-là. Et du coup, ouais, j'ai envie aussi de présenter ça comme un truc égoïste aussi, ce qu'on fait. Pas que comme un truc de on change le monde, mais c'est ça, non, c'est aussi un peu le truc, l'idée, tu vois. J'avais la flemme d'attendre que la révolution arrive pour vivre selon mes idées, donc je le fais maintenant. Et voilà, point barre, quoi. Pendant l'occupation, en France, ils parlaient beaucoup du système D. Système D brûle. Bah, j'ai l'impression qu'on est vachement en train de le redécouvrir ou de réinventer l'eau chaude là-dessus, quoi. Que ce soit un truc que j'ai ramassé dans la poubelle ou un légume que j'ai récolté moi-même, ce que je bouffe, je l'ai directement pris. Et je culpabilise pas, je sais pas comment dire ça, il n'y a plus de médiation, il n'y a plus ces intermédiaires là. Là, je finis de construire mon igloo pour l'hiver. C'est une structure en bois que j'ai récupérée à un salon de décoration. Et ils allaient les jeter à la benne, il y en avait une dizaine. Et du coup, je les ai démontés, ramenés ici. Et puis là, je fais une isolation paille et un enduit terre dessus. Avec une petite porte-fenêtre pour rentrer. Et donc, j'ai des copains qui viennent m'aider pour le chantier collectif. Donc voilà, quoi, on va pas recréer des barres et des tours. On a envie de commencer à construire et puis voir progressivement où ça nous mène, d'expérimenter des techniques et voilà. Donc là, on va voir si ça tient chaud pour l'hiver, cette petite igloo là. Alors l'eau, ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lieux qui ont eu recours à quelqu'un qui est venu généreusement faire des forages afin de faire des puits pour qu'ils aient l'eau non potable en permanence. Nous, c'est pas encore le cas ici. Donc, on fait exactement comme le font tous les gens qui sont exclus de la société, qui errent dans les cimetières, dans les églises, les points d'eau municipaux, etc., qui sont en train de disparaître. D'ailleurs, les bains douches, ça n'existe plus à Paris. Avant, il n'y avait pas de douche dans les maisons, mais les gens, ils venaient aux bains douches, même les sans-abri et tout, ils pouvaient se poser, avoir ce moment où on prenait la douche tous ensemble et tout. Du coup, là, pour l'eau, ça implique du déplacement à vélo ou du pétrole, ce qui fait chier. Donc là-dessus, faut qu'on n'a pas eu le temps de travailler ça suffisamment encore pour que ce soit... On a des récupérateurs de pluie, mais en ce moment, ça fait un mois qu'il ne pleut pas. C'est le miracle de la Bretagne, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, l'eau, c'est un problème. Alors j'imagine que quand vous parlez de coopérative, etc., chacun met un peu d'argent dans le pot commun. Ça serait ça l'idée, ouais. Ouais, ouais. C'est un argent qui est placé à la banque Non. Les courses, on peut les faire déjà en grande partie dans le potager. Il y a les planchettes aussi, qui est le lieu d'accueil, un petit peu le lieu central de la ZAD en termes d'accueil, et où c'est établi un supermarché, nommer ça le supermarché, mais c'est tous les habitants de la ZAD peuvent venir se servir. C'est un lieu de collecte de toutes les récup aussi, puisqu'on a des quand les potagers suffisent pas, voilà, il y a beaucoup de récup et des dons de nourriture voilà, qui sont répartis après, qui sont centralisés sur cette place assez centrale sur autour de tous les lieux d'occupation. Et voilà, on peut tout le monde l'alimente, c'est autogéré, ça fonctionne très bien. Dans la récup, en fait, il y a des trucs qui sont super bons, hein, tu vois. Alors, c'est de la crêpe certifiée AB et tout, tu vois, ça rigole pas, quoi. Il y a au moins 10 emballages de crêpes. Il y a du pain de mie, en veux-tu, en voilà, du fromage, en veux-tu, en voilà. On a du jambon, encore plus de fromage, on a même des crevettes, tu vois. Enfin, c'est des peaches, des yaourts. Donc après, bon, bah, tout ça, c'est de la nourriture industrielle, mais voilà, c'est dans les poubelles, ça peut nourrir des gens, donc... Oui, puis c'est les clients qui payent ça, en fait. Les clients, ils payent pas juste les vols dans les supermarchés. Les gens, surtout, ce qu'ils payent, c'est toute la bouffe qui va être jetée. Mm. Et ça, il suffit que chaque personne aille dans son supermarché ouvre une poubelle pour s'en rendre compte. Ouais, c'est encore un peu comme un échec. Ouais, ouais. Dès qu'on pourra ne plus vivre des déchets du capitalisme, on pourra se dire vraiment autonome. Pour l'instant, la récup fait quand même partie assez pleinement de ce qu'on construit. Quoi. Parce que, en fait, on pense tous que c'est pas une solution à long terme de manger de la récup en permanence. En revanche, là, ça nous permet quand même de faire plein de choses. Ça dégage du temps pour faire plein de choses qui nous permettent de conquérir notre autonomie après sur le plus long terme. Puis il y a aussi un truc que la récup qui est pas terrible, c'est que ça génère du déchet. C'est-à-dire que ça veut dire ramener aussi beaucoup de matière plastique sur le site qu'il va falloir qu'on ramène en poubelle. Ouais, ça c'est pareil, les épices, on n'est pas encore autonome. Hein. On va se faire un petit jardin aromatique, mais le café aussi. Faut qu'on se libère de nos addictions pour être autonome. Plus de café, plus de bière. Mais je crois que le café, la décision collective, ça a été de dire l'autonomie, j'ai quand même envie de boire du café. Et je crois qu'on va en commander au Chiapas. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça, l'idée de commander du café en masse au Chiapas. Ouais, ça va se faire. C'est rare qu'on achète, tu vois, par un temps, on fait un peu de course, huile, riz, pâte, sel, bougie, quoi, tu vois. Mais le but, ce serait qu'à un moment, on n'achète plus du tout. On fait des concerts de soutien, on essaye pareil de s'auto-financer sur plein de choses. On reçoit des dons, on peut faire la manche, on peut donner, partager un temps de musique voilà, aux gens, et expliquer le contexte ici. Les gens qui travaillent aussi, qui sont là. Après, il y a les aides sociales aussi qui sont présentes. Il y a voilà, toutes ces choses-là pour... Ils veulent que j'achète leurs conneries. Ils veulent donner un sens à ma vie. M'imposer des besoins, que j'arrête les joints, change mes envies. Ils veulent que je baisse les yeux devant monsieur l'agent, me rendre accro à l'argent, que je respecte un drapeau qui a baigné dans le sang. Ils veulent qu'on consomme, qu'on consomme leur donnette à petit feu, qu'on bouffe de la merde chaque jour un petit peu. Ils veulent amasser des thunes, savent qu'il faut détruire pour reconstruire. Disent démocratie pour pas dire empire. Ils veulent structurer la vie humaine. À quoi ça sert la poésie? Faut être rentable en gros et vite. Impacté, conditionné, prêt à la vente sur chaque continent. On délocalise sans faire de sentiments. Bienvenue sur la planète Terre, gérée par des bâtards d'actionnaires qui changent en glaçons la calotte polaire. Bande de fils de pute, ça semble abstrait mais c'est bien réel. Quand t'entends la voix du peuple des ruelles, pourquoi il se passe rien? Parce qu'ils nous gavent avec TF1, des JT truqués, des stars qui se vendent bien. Et au final, tu te retrouves occupé à survivre, chercher à bouffer au lieu d'être lucide. C'est le génocide d'une espèce qui a confondu le fait qu'elle progresse avec les richesses issues de son business. Don't stress, t'as fait le bon choix en chopant l'album. J'prends le mic car j'marche loin des sentiers de Babylone. J'avance sur une putain de route au milieu de nulle part, au milieu des ombres, une banlieue cachée dans le noir. Attendre l'espoir, attendre sagement qu'il cesse de pleuvoir. Comprendre trop tôt qu'il est déjà trop tard. J'avance sur une putain de route au milieu de nulle part, au milieu des ombres, une banlieue cachée dans le noir. Le silence résonne, j'entends la voix de la mort qui chantonne. M'invite sur les sentiers de Babylone. Est-ce qu'on peut avoir mauvaise conscience d'utiliser les aides sociales pour faire quelque chose qui nous paraît extrêmement important dans une société telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que c'est pas le moment justement de profiter d'un peu d'argent qui reste pour justement travailler à un modèle futur. On a essayé de sortir des idées reçues voilà, on entend parler de trous de la sécu et machin, ça draine tout un tas de saloperies de pensées, quoi. Et finalement, voilà, il y a des gens au-dessus de nous qui font partie de l'État, qui sont payés pour essayer de faire et qui gagnent beaucoup d'argent pour soi-disant faire fonctionner la société. C'est utilisé n'importe comment, et je pense que voilà, filer 300 ou 400 euros à des gens par mois pour éviter qu'ils aient un petit peu chaud à bouffer, c'est eux les montrer du doigt aujourd'hui dans le système qu'on vit, ça nous semble complètement farfelu, quoi. Alors que c'est les pires enfoirés qui vont profiter du système. Là, il y aurait des grosses questions sur comment est utilisé l'argent dans la société, quoi. Et arrêter de sortir de l'idée de la facilité. C'est les RMistes ou les immigrés qui font qu'il y a la crise, quoi. C'est absolument dégueulasse. Quand on parlait tout à l'heure, ça va au-delà d'une lutte contre un aéroport aussi, c'est véhiculer, c'est remettre les choses dans le bon, un peu de bon sens, quoi. Juste du bon sens, en fait. Sur le fonctionnement de tout ce petit système. Moi, je trouve que ça légitime de frauder le RSA, en fait. Je trouve ça ultra légitime, parce que le RSA, c'est une soupape de sécurité pour pas qu'il y ait d'émeutes, pour pas qu'il y ait de révolte, pour que les gens ils aient le minimum qu'il faut pour vivre et qu'ils continuent. Et parce que le chômage, c'est voulu, c'est... tu connais la théorie des libéraux, là, le NERU, le Non-Accelerating Rate of Unemployment. C'est le taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation, c'est le taux de chômage tolérable en société. Pas comme ça, on fait pression aux autres, on leur dit, bah attention, je baisse ton salaire, mais sinon tu vas être au chômage, et puis enfin bref. Bah du coup, moi je trouve que c'est légitime de frauder les allocs, de frauder la CAF et tout, et ça me dérange pas de me dire, à la limite, tu vois, on pourrait me faire un discours genre, ouais, vous vivez sur le dos des gens et tout, mais moi je trouve que ça fait partie de la lutte, en fait, de faire ça, quoi. Ce que j'appelle frauder le RSA, c'est pas être bénéficiaire du RSA et se servir de son RSA pour, dans cette démarche-là qu'on a. Ce que j'appelle frauder le RSA, c'est frauder, c'est-à-dire faire des fausses déclarations de ressources à la CAF, c'est permettre à quelqu'un qui a moins de 25 ans, qui n'a pas le droit au RSA, de bénéficier du RSA en se paxant avec lui. C'est tout ce genre de petite marge de manœuvre que tu peux avoir. Et puis il y a le vol aussi. C'est-à-dire que bah, voilà, les supermarchés, ils nous volent. Déjà, avec ce qu'ils nous vendent, ils nous volent. Puis en plus, ils détruisent notre environnement, donc on est légitime à mettre une tablette de chocolat dans sa veste, à bourrer un sac de trucs et à partir. C'est des choses qui se font régulièrement et qu'on assume. C'est le rapport aux autres, en fait, aux autres qui n'ont pas les mêmes comportements que nous par rapport à certaines choses, par rapport à la récup et tout ça, mais... Bon, le but, c'est quand même de vivre à pas tous ensemble dans un système où chacun puisse s'y retrouver. Et moi, je pense que les histoires de vol et de récup, c'est des moments de transition vers autre chose. Mais pour moi, frauder les transports, frauder le RSA, voler au supermarché, tout ça, c'est des choses qui sont... comme tu dis, c'est une phase de transition pour conquérir notre autonomie. Non seulement parce que ça nous permet de le faire plus facilement, mais en plus parce que ça porte des coûts au système. Ça leur coûte de l'argent, comme le fait qu'on occupe ici et que ça retarde les travaux, ça leur coûte. Et vu qu'ils comprennent que ce langage-là, bah... T'as pas l'air d'accord. Je suis d'accord avec certaines choses, oui, non mais... Quoi qu'il en soit, c'est l'État que tu voles, c'est pas les gens. Et à côté de ça, bah, on aimerait bien qu'au fur et à mesure, plus on avance, plus on arrive à s'organiser, bah, moins on a besoin de faire de la récupération. Et plus on est autonome, réellement, que ce soit au niveau énergétique, au niveau de l'eau, au niveau de la nourriture, qu'au niveau politique. Après, il faudrait poser la question à tous les gens de la ZAD, non ? Bon, moi, je cherche pas de travail, c'est sûr. Viens, on fait une récup, on fait quelque chose ensemble. À mesure que nous avançons vers notre triste condition d'insecte, je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible à tous ceux qui l'ouvrent bien grand. Activistes et manifestants, à nos amis anarchistes, à tous les fous terroristes, c'est pour qui la démocratie s'évite de son sens si elle n'inclut plus le droit de dire non sans qu'une faction de flics fonde sur toi, comme pour chaque quartier sinistré à qui on demande de la boucle Eden. Surtout pas montrer l'échec maintenu d'une politique raciste, injuste et bâclée à ceux qui exigent le respect malgré les menaces du préfet. Tout ce qu'on discrimine et puis qu'on incrimine, enfin aux luttes fières et exemplaires dont nous sommes chacun tributaires des vagues d'immigration venues enrichir le sol, le sang et le sens de cette nation. Maintenant qu'on travaille pour les banques, qu'on sait très bien que rien ne manque et que l'État de droit n'est là que pour garantir la bonne marche de ce système-là, son incessante propagande, le modèle unique qu'il nous vendait, les efforts qu'ils mettent à réduire le reste en miettes, à grand renfort de chantage sur l'exclusion et le chômage. Et pour les plus endurcis, l'option d'aller taffer pour rien au fond d'une prison pourrie où cacheton, télévision, chichon seront les remparts à la rébellion, pendant que police et code pénal maintiennent la paix sociale. À l'heure où la noblesse d'État et son américain d'avocat veulent nous donner des leçons sur l'effort de soumission, je porte un toast à la colère, légitime et sans savoir-faire, parce que le c'est déjà ça, c'est à elle qu'on le doit. Et du coup là on s'est retrouvés tous d'un peu partout en France et d'ailleurs, et un peu de toutes les origines sociales et culturelles et géographiques, et on s'est rencontrés sur cette zone, sur cette lutte. Le terme ZAD, ça veut dire à la base zone d'aménagement différé, qu'on a requalifié en zone à défendre. Et sur ce site que doit être construit, enfin depuis 40 ans on en parle, doit être construit le nouvel aéroport de Nantes. Alors autour de nous, des tentes, des caravanes, qui s'est installé ici? Ben donc c'est des personnes qui veulent participer à la lutte contre l'aéroport, enfin contre la construction, le projet de construction d'aéroport. Et on a décidé de rester, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça fait longtemps qu'on avait cette réflexion critique sur la société et qu'on voulait la mettre en œuvre dans nos vies en fait. Et pas juste attendre le changement d'un quelconque représentant ou d'une quelconque élection, mais juste le vivre tout de suite. Et c'était notre manière, en s'installant ici, de le vivre tout de suite, sans pour autant être dans un espèce de petit paradis coupé du monde, que entre personnes qui essaient de développer des pratiques anti-autoritaires, et sans essayer de changer à un moment la société, de s'y confronter. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de concilier les deux, c'est-à-dire à la fois des modes de vie alternatifs, des autres modes d'organisation, des jardins collectifs, sortir du travail salarié, etc. Et à la fois être sur une lutte où il y a des actions à faire, de l'action directe pour s'affronter directement à nos ennemis, les multinationales et l'État. Moi, c'est la fin de mon long périple d'étudiant qui m'a permis de forger tout mon esprit critique avec de moins en moins d'heures de cours et de pouvoir me former comme ça et de faire plein de choses de mon temps. Mais arrivé à ce point-là, il y a un moment où, où tu es poussé à devoir faire des stages, à devoir poser le genou à terre pour demander des allocations de thèse, enfin être à genoux tout le temps en fait pour demander une faveur en fait qu'on te donne du travail. Et j'ai pas voulu le faire et je me suis dit que je voulais pas de cette vie-là. Donc je suis parti pour chercher autre chose. Moi j'ai fait pas mal de travail social et je me suis rendu compte que dans l'institution je pouvais rien faire de ce que je voulais faire et que j'avais l'impression de plus être un instrument de contrôle que d'être quelqu'un qui aide vraiment les gens à s'épanouir et à vivre tout simplement. Et puis je pense qu'il y a un contexte aussi, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça a pas arrêté moi depuis que je m'intéresse à la politique quoi, entre Le Pen au second tour quand il était tout jeune, entre les réformes de retraite successives, la fac qui sont en train de briser, de casser tous les services publics qui sont en train de... Et à un moment, je me suis dit, mais on est toujours à demander plus d'État. Et toujours, moi, je suis en train de chercher comment, dans le travail salarié, je peux négocier les petits interstices de liberté ou de marge de manœuvre pour peut-être changer un peu les choses. Et puis, à force aussi de redécouverte, de lecture, de redécouverte de cet héritage anarchiste, là, des milieux libres du 19e siècle, où déjà, vous avez des gens comme Fortuné, Henri, qui s'installent avec ses chèvres en Ardèche, et déjà, vous avez aussi des gens qui passent à l'action directe. Bah, à force de lire ça, je devenais complètement schizophrène, en fait, parce que le jour, je disais à des gamins, non, c'est mal de voler, et puis le soir, je lisais la bande à Bono, et je trouvais ça extraordinaire et génial. Et du coup, ça s'est fait comme ça, je me suis dit, là, ça y est, je suis à une phase où soit c'est bon, j'ai un travail, j'ai une copine et c'est parti, et la vie s'écoule. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Dépenser des milliards pour des projets comme ça, d'urbanisme ou d'aménagement, juste pour le profit, quoi. Urbaniser à tout va... Et bon, voilà, en l'occurrence, des projets d'aéroport comme ça, qui tout simplement est l'amorce d'une... voilà, on est à 25 km de Nantes, s'il se fait, c'est l'amorce d'un bétonnage sur 25 km, quoi. Ça va pas rester un aéroport au milieu des champs, comme ils veulent nous le vendre, HQE... Il y a des coups de pied au cul qui se perdent, quoi. Ici, ça veut dire que c'est 2000 hectares de bocage et de terres agricoles qui vont être complètement bétonnés, alors qu'on est en train de parler d'autonomie alimentaire ou de problématiques comme ça. Après, il y a une grande diversité de personnes ici, parce qu'il y a des gens qui habitent là, par exemple, depuis des années, des agriculteurs ou voilà, des gens qui habitent ici. Et après, il y a des personnes qui... sont dans des maisons qui appartiennent au Conseil Général mais qui ont été complètement abandonnées. Donc des personnes s'installent là. Et après, il y a des personnes qui habitent dans les forêts, des personnes qui habitent sur des friches. Donc il y a vraiment toute une diversité de personnes. Et le but, c'est de créer un réseau et puis de voir comment on peut s'organiser pour lutter contre ce projet, avec parfois des formes d'action différentes. Mais c'est important de rester un peu... organisé par rapport à ça. C'est intéressant justement ces expérimentations d'autogestion et de vie collective, donc au sein des lieux, et puis les lieux collectivement aussi qui se réunissent pour savoir ce qu'on veut, comment lutter, comment on vit ensemble. Et en fait, la raison pour laquelle on s'installe ici, c'est que ce projet-là qui est donc... mené par le Conseil Général et par Vinci, c'est un peu, pour moi, c'est un peu une lutte globale. C'est une logique capitaliste de profit à court terme. Donc c'est aussi ça, le combat ici. Ça veut dire que vous êtes entré en résistance et en venant vous installer ici, je reprends une de vos expressions, on prend le maquis. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. On prend le maquis pour l'instant gentiment. Alors on est sur un des lieux qui est occupé sur le territoire de la ZAD, donc où sera construit le futur aéroport. Où il est prévu qu'il soit construit, en tout cas. Alors, le lieu, il est né d'une rencontre de personnes qui se retrouvaient sur une réunion de Reclaim the Field, un mouvement qui défend une réappropriation des terres agricoles et des savoir-faire paysans pour une plus grande autonomie des personnes. Et donc, il y avait une réunion qui était faite sur la ZAD pour voir... dans quelle mesure ce mouvement pouvait apporter son aide aux occupants qui étaient déjà là depuis une année. Et donc, y a 6-7 personnes qui ont décidé de rester pour créer quelque chose de concret, et donc en l'occurrence un jardin arraché. Et du coup, participer ainsi à la lutte et en même temps continuer une dynamique, déclencher une dynamique de... production de légumes, quoi, sur une terre qui appartient officiellement à la multinationale Vinci. Du coup, le choix a été délibéré de ne pas se mettre sur une terre qui était encore un paysan agriculteur, même si il avait déjà vendu ou il était en bail précaire avec Vinci, mais de prendre directement une friche qui avait été laissée à l'abandon et appartenant à la multinationale. Une des formes de révolte, c'était de prendre les sabots en bois pour les jeter dans les machines, les empêcher de fonctionner, et ainsi protester sur les nouvelles formes industrialisées qui sont perfectionnées depuis. D'où d'ailleurs est né en fait le terme sabotage. Voilà, il est né de ces choses-là. Et donc, bon, personne n'est à l'origine d'ici, trouvait que c'était... ils étaient inscrits un peu dans la même mouvance et ça perpétue un peu cet esprit de recherche d'autonomie en fait dans le boulot et dans la vie en fait tout simplement quoi. De ne pas être pris que pour la main d'œuvre bon marché. On avait tous un peu la théorie mais il fallait quand même des personnes qui aient un peu la pratique avant. Et après ce savoir-faire s'est transmis de façon. De façon naturelle en fait, voilà, chercher. Et alors, tous ces légumes qu'on voit là, toutes ces salades, toutes ces. Ça part où après, une fois que c'est récolté? Vous pouvez venir. Il y a une permanence le lundi et le jeudi, de 17 à 19h. Pour tous ceux et celles qui veulent venir prendre des légumes, mais aussi parler avec nous, regarder un peu le potager, faire un petit tour, etc. Donc ça, c'est permanence. Généralement, il y a ce qu'on était dit au début, c'était on s'est calé avec les permanences aussi de la boulangerie qui est à côté. Je sais pas si vous êtes allé voir tout à l'heure, mais il y a une boulangerie aussi, et du coup, les gens avaient commencé à prendre l'habitude sur ces horaires-là, puisqu'ils étaient là avant nous. Donc du coup, on s'est calé sur ça pour... Et donc, ça marche bien, parce qu'il y a pas mal d'habitants qui viennent nous prendre des légumes. Donc, vous les prendre ou vous les achetez? Alors, nous les acheter. Mais alors, du coup, on fonctionne à prix libre. C'est-à-dire que la personne... choisit ce qu'elle va donner en fonction de ce qu'elle prend, en fonction de ce qu'elle pense que ça vaut. Et le prix libre aussi, c'est cette manière de montrer aux gens que c'est possible, que tout ne s'achète pas, que tout ne se vend pas, qu'on peut en prendre gratuit ou donner de l'argent si on en a, mais qu'on peut échanger autrement que par le marché. Hein. Il y a aussi les autres occupants de la ZAD qui passent. Au début, pas trop, et puis ça se lance aussi petit à petit. Je ne sais pas si la notion de rendement... C'est un peu particulier, notion de rendement. Enfin, je sais pas si on peut parler de ça ici. En tout cas, ici, l'idée, c'était déjà... Donc d'abord, avant de parler de rendement, le premier truc, c'était de se rembourser les investissements. Je trouve ça important de dire aussi que, en fait, c'est squatté pour un objectif politique et c'est bien dans la volonté de créer une dynamique locale et du coup d'être en lien avec les gens d'à côté, de se donner des coups de main, de se sentir un peu unifié face à multinationales, du reste. Mais c'est pas juste faire sa vie dans son petit coin, quoi. Même si... si moi, pour ma part, c'est une vie où je me sens totalement bien, quoi. Mais c'est... On allie le plaisir au militantisme, mais c'est avant tout aussi militantiste, quoi. Parce qu'on est là. Et donc, on n'est pas coupé des gens. Tout va être bétonné ici, si le projet se concrétise. Et bah, en fait, il y a différents... Il y a des personnes qui sont arrivées à différentes périodes. Vous voulez savoir à quoi ressemblera le monde dans 10 ans? Asseyez-vous sur mon divan, je sors ma boule en cristal durable. Voilà le tableau du futur probable. On aura des centrales nucléaires durables qui produiront des déchets atomiques durables. On aura des ghettos durables, des CRS durables, une politique ultra sécuritaire durable avec des puces RFID durables partout. Tout sera fiché dans des data centers durables. Les incinérateurs d'ordures durables valoriseront les déchets en dioxine durable. Sur des millions d'hectares de monoculture durable, de toutes les surfaces de terres cultivables, des pays en voie de développement durable, il y aura que du soja OGM durable pour faire le biocarburant des 4x4 durables qui sur des 4x4 voies éco-compatibles autour des mégapoles éco-responsables vont faire monter l'effet de serre durable. C'est le blabla durable des communicants minables, des publicitaires experts en greenwashing. C'est-à-dire que vous avez renoncé à une vie entre guillemets normale, à un métier, à un salaire. Tel qu'on le voit d'habitude, oui. Et en fait, au début, ça s'est pas posé, ce sera tout le temps, c'est posé. Je vais voyager, voir différents lieux, voir comment les gens vivent en dehors et tout. Et puis, dès que vous avez fait un pas, en fait, et que vous vous rendez compte que c'est possible, en fait, j'ai jamais autant mangé depuis que j'étais ici, j'ai jamais autant travaillé depuis que je travaille plus, jamais autant étudié depuis que j'étudie plus. Et quand on se rend compte que non seulement c'est possible, mais en plus, ça, c'est épanouissant individuellement, et que le changement collectif qu'on appelle de nos voeux, bah, il fait une vraie, il fait vraiment quelque chose en impact sur personnel, et bah, là, ça devient une évidence, ce choix. Enfin, je sais pas, moi, ça s'est posé et comme ça. La marche arrière est extrêmement difficile. En fin de ce qui cause des problèmes aussi quand tu reviens, par exemple, dans le lieu de vie où tu étais avant, collectif ou pas, et que tu te rends compte que tu as vraiment fait un gros pas... J'ai pas envie de dire d'avant ou en arrière, mais que t'as un pas de côté. On peut voir le gouffre qui s'est créé avec les gens avec lesquels on vivait avant, et qui parfois eux-mêmes ont envie d'en sortir et qui sont là avec tous ces débats-là qui posent questions. Parce que nous, en arrivant ici aussi, il y a plein de nouvelles questions qui se posent. Et c'est vrai que le petit pas qu'on a fait, il est très dur à reproduire en arrière. Ici, on n'arrête pas toute la journée de travailler sur des choses, sur des constructions, sur des textes. Enfin, il y a plein de choses, c'est vraiment multiforme. C'est-à-dire un ensemble de cabanes dans les arbres, d'habitats autoconstruits ou tipis, etc. D'habitats légers, comme il y en a beaucoup sur la zone, en fait. Hein, c'est-à-dire que l'occupation, elle prend plusieurs formes, soit l'occupation de maisons, qu'on ouvre, qui deviennent des lieux de vie, d'organisation collective, et donc sur le principe de se réapproprier le logement gratuit, réquisition de logement vide, etc. À côté, il y a un élevage de chèvres, il y a un boulanger qui fait un pain excellent, Il y a des équipes médicales. Il y a les espaces automédias, il y a d'autres maisons avec lesquelles on est tout le temps en connexion. Tu peux avoir dans la semaine une journée de paysan, et puis après une journée de lecture, et puis après une journée d'action, et puis après, tu vois, ça change pas mal. Après, il y a trop de choses à faire, on peut pas être partout. Mais il y a des gens qui font ce qu'ils préfèrent plus. Voilà. Et on essaie de tourner aussi pour que chacun fasse pas tout le temps les mêmes choses et que tout le monde sache tout faire, en fin de compte. Parce qu'il y a des personnes qui vont souvent aux mêmes réunions ou aux mêmes ça leur plaît d'aller à ces rendez-vous-là, mais on essaie quand même de tourner pour que on soit pas démunis quand il faut faire quelque chose et faire oui mais il est pas là aujourd'hui et c'est lui qui sait faire. Et là c'est ce qu'on essaye d'éviter quoi. Et du coup ici on essaie un peu de concilier ces deux plans là, occupation forestière, défense et en même temps construction d'une alternative qui, si on n'est pas viré à coup de latte, sera amené à durer et c'est l'exemple de montrer que ça peut durer en fait. Ici la vie elle coûte pas très cher. Et il y a quand même, malgré les forces de l'ordre qui tournent en permanence sur le lieu, on a quand même une certaine liberté qui n'existe plus en ville. Ici, il n'y a rien d'autre à faire que construire. Après, c'est aussi des choses que des gens ont beaucoup expérimenté en milieu urbain aussi, et qui sont rapportées ici. Et donc, avec beaucoup de « ah mince, ça marche pas comme ça ici », il y a beaucoup de nouveautés à apprendre. C'est d'avoir un équilibre entre l'habitat, l'agriculture et puis les espaces aussi sauvages, quoi. C'est important de garder les espaces sauvages. On peut ici expérimenter des choses qu'on pourrait pas en ville par rapport, par exemple, aux cultures, enfin, aux potagers, etc., où il n'y a plus d'espace en ville. Après, je pense que c'est important de garder un contact avec les gens qui luttent en ville parce que ça peut être vraiment très complémentaire. Enfin, le but, c'est pas de dire bon bah faut que tout le monde revienne en campagne et tout ça. Non, c'est le but, c'est que chacun, là où il habite, puisse avoir une prise sur ce qui se passe autour de lui et créer un réseau dans ce sens, quoi. Je pense que en ville, tu peux pas être autonome, juste. C'est pas physiquement possible. T'as nulle part où cultiver. T'es dépendant. T'as tout. Voilà, t'appuies sur un bouton, il y a la lumière. T'ouvres un robinet, il y a de l'eau qui sort. Comment veux-tu te poser la question sur comment aller le chercher, vu que tout est là, en permanence, immédiat, sans effort? Du coup, je pense que en ville, il y a des buts à mener, quoi. Moi, quand je vais en ville, voilà, c'est parce qu'on fait une action, on fait une lutte, voilà, il y a des choses à faire. Mais malgré tout, à un moment, moi, j'ai envie qu'on désurbanise la France, quoi. Mais vraiment. Transformer la ville pour justement qu'elle soit plus résiliente et qu'on puisse cultiver en ville, quoi, aussi. Enfin, je pense pas que l'urbanisme le plus équilibré, ce soit un truc très diffus, en fait. Je pense que faut pas non plus refuser complètement la concentration de certaines activités, par exemple, par les coopératives ou des choses comme ça. T'as pas beaucoup, à part la SCOP Le Pavé, qui est une SCOP d'éducation populaire, où là, effectivement, il y aura plein de trucs à faire en ville, t'as pas beaucoup de SCOP qui sont d'expériences alternatives qui sont en ville. Regarde, tu vois les squats urbains, moi, j'ai passé plein de temps dans ces lieux, et je trouve ça bien, tu vois, mais juste, c'est pas une vie, quoi. Tu vis que de récup, tu vis que dans la ville tout le temps, t'es dans cet espèce de truc, t'es enfermé, cadré, tu passes d'un espace sous contrôle à un autre espace sous contrôle, allez, bim, tu vas à ton lieu de travail, après tu vas à ton lieu de loisir, après tu vas dans ton petit logement étriqué, après tu recommences. T'es toujours... t'as des flics de partout, enfin, je sais pas, moi, la ville, ça me sort de plus en plus par les yeux. Et plus je m'intéresse à la fonction sociale que ça, plus je me dis que c'est mauvais, en fait. Après, ouais, je comprends qu'il y ait des gens... Genre le cinéma et tout, ça manquait, tu vois, par exemple. Ça, c'était trop bien d'avoir fait la projection, ça, quand... T'as l'offre culturelle de la ville, des fois, qui manque, ou t'as des trucs de citadins qui manquent. Mais après, je pense que, ouais, c'est pas juste qu'il faut plus arrêter les temps de les villes, c'est qu'il faut en détruire une partie aussi, quoi. Et il y a des luttes à soutenir aussi, pas que des luttes à mener, parce qu'il va y en avoir d'autres, comme l'an dernier, ou comme les années précédentes, des grèves... des blocages, etc. Il y en aura et on sera avec les gens qui vivent en ville et qui font ces actions-là. Ça vient d'où? Ça vient de nulle part. Ça vient du point de départ. En direct des tours, des bâtiments et des bars où les mulâtres débarquent au cœur de la débâcle. On pourrait en débattre et même jusqu'à se battre. Vouloir évoluer plus haut quand l'ignorance vit à ta porte. Quand tu cultive la haine dans nos ghettos. Un seul bloc, un seul hall, un seul drapeau. Diverses origines, religions, couleurs de peau. Guerre d'indépendance dans nos têtes, à crier justice dans nos textes. Enflammer l'homme torche au moindre prétexte. Et si les gens se détestent, parce qu'agressés, stressés, oppressés, parce que la machine est adressée. Quand les immeubles crèvent, que le béton hurle ses fissures, le peuple ses blessures. Marine et ses déçus, c'est le fils du béton, bien sûr. C'est la musique d'entre les murs, ces murs qui nous renvoient nos plaintes à coup sûr. Fugitifs des villes, des ghettos les plus vils. L'art de survivre sur le grill, entre les grilles, peur sur la ville. À mort le roi, exister en dehors des lois. T'es le choix ou pas, ici la sentinelle, en direct de la tour de Babel. Ici le sarrasin dans les banlieues de Charles Martel. Ici la France arcosienne, ici les loups liels. Ici la sentinelle, ici la France inerte. Oui, parce que ici, on ne vient pas simplement ici pour lutter contre la construction de l'aéroport. On est sur une problématique beaucoup plus large. Et donc, c'est une démarche d'autogestion où la parole tourne et toutes les prises de décision sont prises collectivement. Et ça, c'est, à mon avis, une expérimentation intéressante par rapport... à l'oligarchie ambiante qui nous impose un aéroport. Toutes les personnes ici ont des passés différents aussi, et ils viennent pour des raisons différentes. Après, on sait qu'il y a beaucoup... Donc, c'est des personnes arrivées avec des sujets qui les touchent différemment, des personnes plus intéressées par la reconquête de la terre, de l'agriculture, en réseaux locaux, en vente directe et tout ça. D'autres plus sur l'autonomie ou alors sur les problèmes ou entre le public et le privé, toutes ces sortes de magouilles qu'on voit entre les partenariats publics-privés, toutes ces relations ambiguës qu'il y a entre le Conseil général, l'État, et après surtout des parcours de vie aussi différents. Il y a des personnes qui étaient parties un peu comme ça, qui avaient quitté un peu tout pour trouver des endroits où on pouvait vivre en autonomie et expérimenter des choses, et qui se seraient peut-être pas arrêtées ici en fin de compte s'il n'y avait pas ce projet là, cet ennemi là qui se matérialise vraiment sur l'espace. Et sur la question de la temporalité, du coup, c'est des groupes qui se constituent, nous on s'est tous rencontrés il n'y a pas si longtemps. Ce lieu est en lutte, mais il n'est pas dit qu'on passe notre vie ici en fait. Donc ça peut être aussi un endroit pour créer d'autres modes de vie, d'autres alternatives et envisager des projets ailleurs et futurs. Ouais, j'ai un point de vue un peu différent. J'ai envie de dire que c'est pour le long terme, qu'ils ne feront pas l'aéroport, et qu'ici, vous allez avoir la première zone d'autonomie qui aura vraiment fait sécession avec l'État, et qui pourra vraiment trouver des moyens de s'organiser. Ça, c'est l'idéal vers lequel on essaie de tendre. Après, effectivement, dans la pratique, ce n'est pas toujours évident, pour plusieurs raisons. Déjà, d'abord, la répression. C'est-à-dire que l'État ne tolère pas qu'on essaye de s'organiser autrement, de vivre autrement, qu'on sorte du salariat, qu'on consomme presque plus, c'est parce que ça signifie, et qu'on s'organise sans lui, parce que ça signifie juste qu'il devient inutile en fait. Et donc du coup, d'où les expulsions, la répression, le fichage systématique, les contrôles, etc. À côté de ça, moi j'espère qu'on est là pour très longtemps, parce qu'il y a déjà d'autres projets de ce type qui ont échoué. Que ce soit en Angleterre, par exemple, Heathrow, ils voulaient faire un maigrandissement de piste, il y a eu un camp climat qui s'est organisé sur la piste, elle n'a pas été faite. Le mouvement anti-autoroute anglais a montré l'exemple en faisant échouer des projets d'autoroute, notamment au sud d'Édimbourg, où maintenant, ça fait 10 ans qu'il y a un village dans les arbres, personne ne le sait, mais il existe, et la route, elle ne s'est jamais faite. Et moi, je pense que politiquement, pour nous qui sommes... partie d'entre nous, ou en tout cas moi pour le moins, qui sommes intéressés par la pensée anarchiste et libertaire, quand on voit que justement la faiblesse aujourd'hui des organisations libertaires en France et tout, on peut se dire que justement ces chantiers, ces grands projets qui transforment tout un espace ça permet d'aborder la lutte de manière transversale. Là, on pense aussi bien à comment on se nourrit, à comment on lutte contre l'État, mais aussi à comment on décide entre nous, comment on s'écoute, comment on apprend les uns des autres, comment on échange des savoirs, et comment on sort un peu de ces rôles, de ces spécialisations dans lesquelles la société s'est nous engoncée. C'est-à-dire que là, une journée, ça peut être le matin, vous êtes éboueur parce que vous videz les chiottes. L'après-midi, vous êtes ouvrier charpentier, même si vous n'avez jamais fait de charpente, parce qu'il y en a un qui est charpentier qui vous apprend à faire du solivage ou des mots poétiques de charpenterie, la volige, tout ça. Et le soir, vous êtes journaliste parce que vous écrivez un communiqué à plein et parce que vous portez une parole collective. Et finalement, le fait de faire tout ça, ça me donne envie de continuer et que sur tous les projets, grands projets d'aménagement comme ça, il y a des luttes qui se constituent et qu'on puisse se constituer vraiment en réseau de lutte sur ces questions-là qui remettent en cause vraiment le productivisme et la société industrielle, parce qu'on se sent un peu mal à l'aise des fois dans les luttes qui sont fortes en France, que ce soit sur les retraites ou sur le pouvoir d'achat et tout. C'est des thématiques vis-à-vis desquelles on est toujours content qu'il y ait une grève, qu'il y ait une lutte, mais c'est des thématiques vis-à-vis desquelles on ne peut pas forcément être d'accord avec tout. Et notamment avec les grandes centrales et tout, on n'est pas forcément d'accord avec les revendications qui s'en dégagent. Donc ici, c'est aussi une manière de faire ça de manière globale, quoi. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup... Enfin, en ce moment, on voit très bien que dans plein de pays, des gens n'acceptent plus les conditions dans lesquelles ils vivent et les choix qui sont pris par les politiques pour eux. Et donc en Grèce... En Afrique du Nord, même en Islande, enfin je veux dire, il y a plein d'endroits où des gens commencent à se révolter un peu et puis à s'organiser pour voir ce qu'on peut faire. Au-delà de la critique, de construire autre chose, c'est vraiment... J'ai l'impression que ça dépasse le stade, on est contre ça, c'est plutôt on aimerait proposer autre chose. On se dit, mais si on fait tomber une multinationale qu'on choisit là et que ça marche, quel impact ça peut avoir, plutôt que de se dire que là, il va y avoir un grand soulèvement général et populaire et qu'on va mettre à bas l'État dans un grand soir et tout, se dire comment on développe des pratiques alternatives et comment une cible, on la prend pour cible et comment, avec quels moyens et jusqu'où, c'est des questions qui sont compliquées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant là, les travaux commencent et que tous ces recours juridiques, de négociations, de compromis avec l'État, etc., c'est terminé. Et donc là, nous, on a une ouverture pour amener des gens vers le fait de se prendre en main et d'agir sans représentant, sans demander, en fait, juste de le faire et de dire, on occupe, on empêche que l'aéroport se passe, on passe à des actions ou directes. Moi, je sais que j'avais beaucoup travaillé sur tout ce qui est... La grille d'analyse marxiste de lutte des classes avec la figure du patron, du prolétaire. Et ces dernières années, j'ai beaucoup plus travaillé sur les relations de genre entre cet homme patron qui n'est patron face à la femme et beaucoup travaillé là-dessus. Après, en arrivant ici, moi, j'ai rencontré encore une troisième branche de la révolution que j'aimerais bien mener, qui est la rencontre avec des personnes véganes sur ce lieu. Vegan ? Pareil, une forme d'exploitation sur les animaux aussi qui est refusée. Quand on réfléchit un petit peu, là, c'est, on peut se nourrir autrement sans cautionner tout ça. Parce que aussi, il dérouille bien. Beaucoup de gens mangent peu ou ne mangent pas de viande. Est-ce que ce serait pas une troisième branche comme ça qu'on pourrait mettre en parallèle avec des sujets de discussion, et voilà, entre nous, beaucoup de débats, essayer de comment ça se passe bien. Et donc c'est beaucoup de nouvelles aussi préoccupations et de prise de conscience entre nous qui sont sujets de beaucoup d'heures de discussion et qu'on essaie de s'offrir le temps de les avoir. Moi, il y a trois franges de la société qui m'intéressent en fait. C'est l'en bas. Donc voilà, les classes populaires, les gens qui sont au revenu médian, en France, c'est 1 500 € par mois, quand vous avez une famille ou quoi, voilà, c'est en bas. La marge ensuite, tous les gens dont on ne veut pas dans la société, et qui sont en marge, souvent dans des dispositifs carcéraux, type hôpital psychiatrique, prison, etc., dans les centres de réinsertion sociale et tout. Et ensuite, l'en dehors. L'en dehors, c'est ce qu'on essaie de faire là. Après, pourquoi on a besoin de cet en dehors ? Moi, je pense qu'on en a besoin parce que je pense qu'on en a besoin pour réaliser que c'est possible. Il y a un espèce de fatalisme ambiant de « il n'y a pas d'alternative, de toute manière c'est comme ça, ça a toujours été, etc. » qui fait que même les personnes qui ont le plus de regards critiques ou qui ont participé à des luttes dans leur secteur, etc., se posent elles-mêmes un plafond de verre idéologique, en fait. Et je trouve qu'ici, une fois qu'on a commencé à gratter et qu'il a volé, tout devient possible. Et c'est juste ça qui fait que cet en-dehors-là, il est important. Parce que ici, j'ai personne qui va me dire « Ah ouais, c'est utopie ce que tu dis là, c'est pas possible de faire ça. » Vous dites « Bon, ok, on va faire un jardin collectif, d'accord, on le fait. » Voilà, boum, il y a des gens qui viennent, on le fait. On va faire une pièce de théâtre, mais personne n'a jamais fait de théâtre. C'est pas grave, on fait la pièce de théâtre, on va faire un journal, on fait un journal. Juste, il n'y a plus de... Et ça, dans le monde qui est tellement corseté, tellement quadrillé, tellement contrôlé en permanence, qu'on a tous un flic dans la tête, on a tous quelqu'un, on a tous un propre censeur dans notre tête qui fait que... Et ça, c'est en dehors, là, et c'est une sensation de liberté extraordinaire. Et j'ai pas envie que ce soit une sensation de liberté égoïste, j'ai envie de la partager. Et c'est pour ça que l'action, elle sert à ça aussi. C'est-à-dire, l'action, c'est non seulement s'installer ici, montrer que c'est possible, c'est de la propagande par le fait, sauf que c'est plus avec des bombes comme Émile Henry, c'est avec des actes, quoi, autres. Donc ouais, montrer que c'est possible. Et puis après, aussi, faire des actions pour faire tomber l'en dedans. Et ça, ces actions, si on n'est pas tous d'accord sur lesquels, jusqu'où, etc., on est tous d'accord sur le fait qu'il en faut. Donc on peut au moins s'accorder sur le fait que chacun fait ce qu'il a envie de faire, où il veut le faire, au moment où il veut le faire, avec les personnes qui sont prêtes à le faire. Et que là-dessus, on a une bienveillance les uns vis-à-vis des autres, de « Ah bah ok, toi, t'es un non-violent absolu, tu plantes même pas le clou dans les arbres parce que tu respectes trop la nature et tu veux juste t'enchaîner ou avoir d'autres modes d'action, etc., qui sont... plus de la résistance passive, bah vas-y, fais-le. Ah, toi, t'es nostalgique du cocktail Molotov et tout, tu veux aller saboter les machines de chantier, bah fais-le aussi, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Après, c'est la question de l'en-dehors qui est abordée, elle est... Moi, j'ai pas l'impression vraiment d'être parti dans une communauté dans les Cévennes pour vivre en dehors. Je pense qu'on est vraiment en contact quasi quotidien avec le pire de ce qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire on est sur 2000 hectares de bocage, pas à cultiver nos légumes tranquillement, mais à essayer d'avoir notre autonomie, tout en ayant tout ce flicage des routes, des axes routiers qui est permanent, des chantiers qui se font tout autour, tout ce qu'il y a de pire dans ce monde, vraiment juste là autour de nous. Et donc je pense pas être vraiment en dehors, je pense être dans quelque chose de nouveau et qui est au contact constant de toutes les relations qu'il y a entre les élus locaux, l'État, le conseil général. On voit bien tout la propagande qui se fait, tous les accords, toutes les ententes qui tournent autour de nous en fin de compte. Donc je crois pas être totalement déconnecté de tout ce qui se passe dans ce monde. Et je pense le voir bien mieux en fait que dans le petit cocon où j'étais avant, quoi. Après, en dehors, moi, ça voulait pas dire être totalement en train de faire sa communauté tout seul dans le Larzac, là. Ce qui est très bien, au demeurant, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui font ça, qui n'arrêtent pas de le faire, qui continuent, quoi. Mais moi, c'est moins ce qui m'intéresse. Mais tu vois, genre, les en dehors, pour moi, c'est... ouais, voilà, c'est la reprise individuelle, c'est le journal, l'en dehors, au 19e siècle, c'est cette bande de gens qui... Finalement, c'est comme ce que tu dis, ils sont en dehors, du coup, ils vivaient que de braquage, ils vivaient en marge, en clandestinité et tout, et en même temps, quand t'es en dehors, t'as raison, c'est là où tu te prends le plus, la répression. Moi, j'ai jamais été autant pris en photo, autant fiché, autant contrôlé, et autant mis en garde à vue, ou au comico, que depuis qu'on est ici, quoi. Et pourtant, on était investis dans des luttes ailleurs. Sauf que c'est ça qui est étrange, ouais, parce qu'il y a aussi, quand même, faut bien dire qu'on n'invente pas grand-chose, encore, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue perso. Je trouve que ce soit les modes d'action ou les modes d'organisation, mais ça fait longtemps que ça existe, tout ça. C'est juste que ça n'a jamais eu assez de poids pour que... Le fait d'être en dehors, c'est là où t'en prends le plus plein la gueule et que, du coup, tu vois le mieux le dedans... Le dedans des cellules, le dedans des fichiers, le dedans des, des outils de domination de l'État. C'est sûr que le rapport de force, il est asymétrique et qu'au moment des expulsions, bah, il nous faut un maximum de monde, il faut qu'il y ait des gens qui viennent et qu'on montre en fait comment on peut, comment le spectacle et le, enfin, comment l'exemple de cette résistance-là, elle peut, il peut porter ses fruits et créer d'autres zones de lutte comme celle-ci. C'est pour ça qu'il faut, même s'il y a l'urgence des expulsions et tout ça, on essaie de voir à long terme, pas au jour le jour quand on garde une vision. On s'installe, quoi. C'est pour longtemps. Trop vrai pour leur format, nos aspirations agonisent, enfermés dans leur schéma, persécutés par leur police. Ici le diable nous diabolise, nous tente, nous pousse à balle dans la pente résistante, car le droit de vivre est aboli. Alors je reste sur mes gardes, sans jamais baisser la mienne, sans me rabaisser, quoi qu'il advienne. Ils m'ont blessé et a coulé la haine. Ils savent être adultes, c'est commettre l'adultère, tromper l'enfant qui est en toi pour devenir ce qu'on t'a dit d'être. La vie m'a dit, reste toi, méfie-toi de l'illusion, suis ta voix et t'amènera à ta guérison. Alors j'arpente la vie, esquivant leurs fils de guerre, sans répit, sans repère, orpheline de terre. Car la planète est séquestrée, qu'il n'y a pas de place pour nous ici, qu'on nous a dit faut se plier, que ça c'est pas possible. En cavale sans terre d'asile, on est plein, rêver dans notre monde, on est plein, fait passer le monde, on est en plein asile. Car la grandeur nous attire, parachuter dans un monde incompatible avec ce à quoi on aspire, enfant de la terre. Ici c'est notre âme qui nous saute, étranglée par l'histoire, y'a pas de refuge pour nous autres. Je suis contente qu'il soit là pour voir aussi des rapports différents entre les personnes, voir qu'il y a des apprentissages qui se transmettent. Moi, je suis venue exprès pour le chantier collectif, pour construire la cabane collective, parce que je trouve que les formes de lutte ici sur la ZAD sont très très intéressantes. Je trouve que les façons de s'organiser ici, d'organiser la vie quotidienne ici, c'est quelque chose que j'ai envie de montrer à mes enfants, voir qu'on peut transmettre des savoirs, des connaissances par d'autres biais, sans hiérarchie, sans injonction à réussir ceci ou cela, que la transmission se fait beaucoup plus facilement. Je veux qu'ils voient qu'il y ait des personnes qui arrivent à s'organiser ensemble, à vivre ensemble, avec d'autres rapports que ce qu'on connaît dans la société actuelle. Voilà. Donc à chaque fois que je peux, qu'il y a des appels à des participations sur la ZAD, je viens avec les enfants. Voilà. Parce que je trouve que c'est des rapports humains très différents de ce qu'on leur montre dans la société de consommation dans laquelle ils grandissent. Donc je trouve ça primordial qu'ils voient ça. Tu vas à l'école ? Oui. Où ça ? À Notre-Dame. Et alors quand tes camarades de classe te demandent où t'habites, tu leur dis que t'habites ici, comment ils réagissent ? J'ai dit que j'habite à la Boissière. Mais ils disent, je sais pas, bah, ils réagissent normalement, pas spécialement bizarrement. Mais... Et qu'est-ce qui te plaît ici ? Que j'habite aussi avec d'autres gens. Et que c'est la nature aussi. Et être en lutte, comme vous dites, c'est se réapproprier justement ces espaces. C'est pour prouver qu'on peut faire autre chose qu'un aéroport ici. Et c'est vrai que c'est triste quand les privés eux-mêmes font le travail de Vinci, c'est-à-dire qu'ils déboisent la forêt avant de vendre les terres et de les offrir au projet d'aéroport qui va se faire. Donc nous, on essaie de remettre ça, de reprendre soin de la forêt qui est ici et de montrer qu'on peut en faire autre chose qu'une grosse dalle de béton sur 2000 hectares. Et par rapport aux autorités municipales, locales, est-ce que on vous pose des problèmes ? Bah, y a énormément de contrôles. Contrôle d'identité en permanence. Voilà, il y a pas mal d'effectifs de forces de police ici. Non, il n'y a pas trop de lien avec l'administration, à part avec la gendarmerie, les huissiers qui viennent poser des courriers d'expulsion. Et la justice, sinon c'est à peu près tout ce que je sais. Alors, on continue le tour du propriétaire. Ouais. Non, pas propriétaire. C'est un lieu qui s'est fait collectivement et du coup, forcément, il n'y a pas de propriétaire attitré. Alors, ces terres, elles appartiennent à qui exactement ? La propriété d'usage, pas de propriété de... Vous êtes là, donc vous êtes aussi propriétaire en fait, le simple fait que vous soyez là. D'ailleurs, on va vous laisser la table et on va retourner au travail. Après, on pourrait parler de ce qu'on voudrait qu'il y ait ici. On rêve un peu. Genre au printemps, il y aura un immense jardin collectif avec beaucoup à manger. Il y aura de plus en plus de chèvres à la chèvrerie. Dans la petite caravane, là-bas, il y aura un alambic. On fera des huiles essentielles et tout. Avec... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y en a qui veulent faire une forge ? Non, parce que l'autonomie, elle n'est pas seulement pensée aussi... Il y a une autonomie de ce lieu, mais il y a aussi beaucoup de choses, en fait, qui sont ici à 200, 300 mètres, 7 kilomètres. J'ai des rêves comme ça, moi. J'aimerais bien qu'il y ait, je sais pas, moi, tous les errants, tous les exclus, tous les roms et tout, ils viennent ici. Parce que il y a des terres, il y a 2000 hectares de terres, là, qui se... Franchement, faudrait aller au cadastre et puis... Bon, on y est déjà allé, tu vois, mais aller au cabas vraiment sérieusement, il passait bien 2-3 jours, et puis des gens, ils arrivent, et tu te poses avec ton petit truc, et puis voilà, il y a telle parcelle, tel endroit, allez-y, venez ici, il y a de la terre, quoi. Il faudrait voir tout le réseau, en fait, qui est construit sur la zone. Et bon voyage. Ouais, voyez, bon voyage dans la plus grande fédération de squat d'Europe, quasiment. On est en train de le devenir, hein, petit à petit, au fur et à mesure, à force de multiplier les lieux occupés, bah ouais. C'est aussi un terrain d'expérimentation. Et puis il n'y a pas que les trucs fonctionnels, il y a aussi des gens qui font des attrape-rêves, qui cultent sur les troncs et qui contribuent à embellir notre environnement quotidien. De toute façon, la force, elle est là. Et le combat, de toute façon, même s'il est biaisé par le rapport de force, ça on sait très bien, et par tout le reste, c'est pas eux qui ont raison, donc c'est pas grave. Enfin, on invite tous les gens à venir là pour discuter avec nous, pour qu'ils arrêtent de lire Presse Océan, qu'ils nous présentent comme des ultras, etc. Mais qu'on est bien ouvert à la discussion. Et c'est aussi de cet intérêt-là de vivre sur des lieux comme ça. Quoi. Participer à cet esprit critique. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous voulez un bout de carotte ? Ah bah ouais, je vais goûter, ouais. Merci. Tac. Ce qui est bien avec les légumes du supermarché, c'est que tu peux pas dire qu'ils sont mauvais parce qu'ils ont pas de goût. Bien. Ouais, c'est ça. C'est une vraie carotte, hein ? Vraie carotte. À croire. Je suis un tout petit peu désolé qu'il n'y ait pas eu de parole féminine du roi ce matin, mais c'est parce que nous, on est au bord de la table et peut-être à la popote et qu'elles sont en train de faire des plans stratégiques pour... Ici les rouges, ici les noirs, réveillés après le cauchemar. Pourquoi des scènes de guérilla? Là-bas, le capital règne, ici nos propres règles. Réalisons nos rêves et décapitons la reine. Prêt à se battre dans l'arène, à abattre les sirènes. Justice de classe derrière la vitrine, marteau brise-glace pour faire des victimes. Rancœur des masses frappant les poitrines, rancœur des masses envers la doctrine. Tapant des faces, du cash, des fesses, des fesses. Juridique, anonyme, face à l'injustice, comme les sans-papiers sont victimes de leur justice. Parti de rien, on construit, on attend rien, on s'instruit. À bas la France, à bas les nations, international, antinational, personne n'est illégal, non. Ça, ça, ça, ça, de la des milices fascistes au service de Vinci. Ces firmes ravivent les flammes. Qui a dit qu'ils étaient invincibles, hein? Ici la cible, sortez des rangs. Et l'anarchie vaincra.